ceux qui sont forts et leur disque de fluide. Plane au sort, business, spliff, caisse, disfesse. Nique sa mère, on nous la mise net, fils, laisse. Kiff, je blesse les dés qui se laissent. J'ai la trique, la mère, si je veux pas ripette. Pour mon 1-5-1, tous mes négros rap ça chouane. Si t'aimes pas ennemi, éloigne-toi, douane. Tous mes MC sont formés 1-1. Alors est-ce good boy, une force née, y'a rien que des forces nées. Pour ça de la rime contre l'ennemi, on est perfectionné. On vient tous sectionner, même ta meuf sexy ennemi. Pas de naïna ni ennemi, maintenant vite à nuit. Target mon armée, target mon armée. Get mon armée, target mon armée. Mon armée, target, mon armée, get, mon armée, target, mon armée. T'auras un scoop violent, les aines pleins de sang, un skiff et une histoire de scoop volant. On arrive armé. Si les bons coups se font rarement, c'est que les haineux qu'on l'œil vif apparemment ne quittent plus d'être transparent. Malécale morte et y'a plus de marmots. Plus d'armes, plus de larmes, chez les porcs, plus de morts. Pour les j'bais, plus rien à faire, même les plus braves vont goûter le sol. C'est pour les roses qu'on la rage, les couilles et l'argent sale. Si tu veux te faire tout seul, arrive en secret, ta fan soum soum. T'as ce que les gens veulent, t'inquiète, on veut. Stargate mon armée, t'es de la zeb, vas-y zoom. Tu verras que dans mon crew, y'a que des hommes. 45 scientifiques, 2 lunatiques, 92 injections, tu seras déjà mort avant qu'on te plombe. Stargate mon armée, dangereuse, même désarmée. Stargate mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Bouille Saka avec un rap triste, taille, taille. Fils de nouvelles têtes vont tomber. Réducteur de tête, t'as vu, je suis trop assassin, trop insociable, trop insatiable, tu peux pas me saucer ferme. Là, je suis neuf de isotherme, voir comment j'ai la rage. Mes mômes jouent au métal armé, j'ai pas m'alarmer. Get, je suis chargé de haine. Tu parles du rap comme si tu croyais que j'aime. Je t'explique, mon rap c'est le moyen d'aime. Faire son fric plein d'euros sur les chics. Pas qu'on se complique, rejoindre les héros en Afrique, c'est pas donné. Mais si la France veut qu'on la baisse, fais pas pardonner. Rien qui parle à propos de ma vie, de mon halal, ma rage, mon haram, ma haine, ma vie, ouais. Stargate mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Get mon armée, Stargate mon armée. Mon armée, Stargate, mon armée. Get mon armée, Stargate, mon armée. Get mon armée, Stargate, mon armée. Get mon armée, Stargate, mon armée. On laisse la fin. Eh oh, attention, ça sature un petit peu. Pardon. Alors, c'est de la radio ça ou c'est pas de la radio? Ah bah ça commence pas mal, je trouve. Get. On est sur Skyrock ou pas? Ah, ça passe pas sur Skyrock. Ça passe plus? Non. Ça passait. Oui, donc le regretté Brahms. Le compositeur? Oui, c'est ça, le compositeur. Brahms, c'est qui alors? C'est celui qui chante? Des Hauts-de-Seine, de Pont-de-Sèvres. Bah oui, oui, oui. C'est la Malécale morte, c'est Brahms. Ok, c'est un groupe? Non, c'est juste lui. Non, non, non, ils sont trois, je crois. Je sais pas. Ok. Pas trop de questions, hein. Je suis pas okay, une spécialiste. De des réponses. Que des réponses. Il y a beaucoup de réponses aussi dans le nouvel numéro d'Interface, qui est le magazine des électrochimistes. Et ah. Ce mois-ci, ça parle de l'électrochimie dans l'espace. Voilà. Attention, nous ne sommes pas sur la pompe à vide. Non, c'est vrai. Est-ce que tu veux mettre un autre morceau? Ouais, on peut voilà, mettre... Est-ce que tu veux ne pas mettre de morceau? Ben non, alors dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre le last débat. Track prévu de la semaine dernière, qui est donc Cool Keith, The Undertakers, Six Feet Under. C'est pas très long, puis on peut en plus le couper un petit peu. Ah, j'ai à mis la Grave fin. Undertaking. Ah non, c'est Six celui-là. Feet Under. D'accord, ben, alors on en met un autre. Ouais, mais tu dois l'avoir. Grave Undertaking. Ah, ok. Voilà. Tu Tu veux que j'aille Bah alors, mets un petit temps mort de ta tape à toi. Oh, Sport Tranquil. Ok. Je sais pas où c'est. C'est ça? Je sais pas moi. Ah non, c'est ça. Bon, c'est pareil. C'est beau ça. Ouais. C'est. Cut ouais. The mic. Ouais. Allez, les entretiens de Grenoble, c'est parti pendant une heure jusqu'à 19h. C'est pas si long. Le vionnier est un cépage plutôt Côtes du Rhône. Là, c'est un vin d'Ardèche. C'est ce qu'on boit. Tranquillou. Super ce track de sport tranquille. Très bon groove, parfait pour mon humeur. En fait, ouais, mais c'est sorti là encore sur une cassette sur After Hours et Done Prostitute. C'est un morceau, donc mais c'est la cassette, c'est Morer, et le morceau fait plus sport tranquille, donc des fois, tu vois, à force d'avoir des identités... Non, mais c'est vraiment sport tranquille, je crois, c'est non? C'est vraiment sport tranquille, mais il est inclus dans un album de Morer. Bon, t'es sûr? T'es sûr? Ouais, je crois que c'est sport tranquille. Hein. J'en suis sûr. Tu comprends, tu m'écoutes pas quand je parle. Pardon. Ne nous disputons pas à l'antenne, Nicolas. Sachons raison garder. Donc, moi, je propose qu'on enchaîne sur Booba, Temps Mort. Ouais. Temps mort, temps mort. Ouais, mais là c'était pas temps mort, mais bon. Ah. Alors le morceau. Ah merci, c'est bien. Allez. Allez, on écoute Temps mort de. Ok. Yeah. Travers. Travers. Eh. Parle de botanique, de crime et d'arnaque. Nez complet, noir faucheuse comme le Dark Knight. Couplet sale, violent jusqu'à la moelle osseuse. Ton verre, c'est la grande versus la petite bosseuse. Picasso sous crack, image défigurée. Gros Kamasutra, le cul du rap est fissuré. J'ai l'arme en rude, cette pute a envie de tirer. J'ai perdu l'arme en route, pas le vide à tirer. Musique émasculée, prise dans la masse de tube. Comme quand Edouard aux mains d'argent se masturbe. J'suis miraculé, j'rappe, j'ai douce, viens où j'vais. Le soleil pionce, la lune devient ma lampe de chevet. Jaune, violet, vert, mon côté militant et sceptique. Dans ma tête c'est les Lakers contre les Celtics. Toujours personne après nous, là j'm'écarte la norme. J'fais le contrôle des naissances aux 44 Magnum. T'as compris le message, on est de la même race. Fusée noire, Jesse Owens face au Troisième Reich. Écran, j'ai l'étoffe, j'ai le cran aux appels d'offres. Réponse, j'écrase des verres sur le crâne. Mazel tov, chant du crâne, la masse proteste. J'ai foiré tous mes examens, je réussis l'alco-test. Le monde est déjà mien, t'es sur une fausse piste. Tu veux que je passe ta main, mais y'a plus que des puces. Ouais, y'a petite couille dans le potage. Bon, c'est pas mal non plus, hein. Ouais, c'est la version 2.0. Ouais. On la laisse. Son personne au quartier, on j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du matin avec la tête de leur chef. Après. Même pour acheter du plaquet, t'attends original. Toujours de leur baisse. Ils veulent rivaliser, négro, ils font le fond de leur baisse. Rien à gratter sauf maladie, j'ai fait le tour de leurs fesses. SGP à for life, j'ai fait le tour de leur texte. Si je les mets pas à poil, ils vont retourner leur veste. Les rugby vont t'allumer, ils vont pas regretter leur geste. Je vais tellement t'enculer, tu vas détester le sexe. Le négro nous a quittés, je me suis fait tatouer le 7. Je suis sur le calme pendant que vous lisez l'express. Je tire sur les fils de pute, toi tu veux sauver l'espèce. Il en restait beaucoup trop la dernière fois que j'ai check. Faut qu'être un lyriciste négro, je suis là pour ramener l'échec. On s'attaque pas au convoyeur avec un 504 break. Dans The Wire, t'es Method Man, je suis le grec. Cloque dans la bouche, m'en vais pas sans la mallette. Je suis dans les nids de ta mère, t'es dans les salamalek. Petit coup de crosse derrière la tête, quand t'arrives pas à Yep, tu peux pas me mettre à sec, même si t'es salement Hayek. Je parle wall of tout direct, j'appellerai pas à l'aide. Genre me khalis ou index, je tire quand j'ai pas Alex. Je suis secteur H, je suis time bomb, c'est Athena qui m'allaite. Je vais les baiser ER, c'est pas Omar qui m'a huette. B.O. 100-8 ZO B2ZO O Tchèque 1 Injection. Une putain de fuck mon pote ici, faut des putains de dorsaux, putain de morceaux. Tous les blocs, on leur glock, sous les doudoun. Fuck, fuck, boulogne mon putain d'homme chaud, putain d'homme sain. Putain de gun et un chauve, mon putain point. J'enlève ta putain de lingerie, venu pour tout baiser. Les gueux, c'est pas un eux, j'ai pas inscrit. Alors putain d'électorat, mon putain de quartier, une balle dans le thorax, que t'auras sans ma putain tweed. J'aurais pas style que t'en entends, tricher pour être riche avant 30 piges. Mon temps écoute mon air, mes nerfs et mon son, putain de merde. 9-2, moi j'kick, relâche ma haine, chienne. Putain de croncous, 12, putain de drone. Sans ma 8-0, you know mon putain de 92. Alors j'demande un temps mort, parce qu'on se fait niquer au score. Un flot de port, j'suis là pour ouvrir d'autres portes. Booba 45. Rien n'a changé à part le change. J'demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Temps mort, encore nous c'est dangereux. Rien n'a changé à part le change. J'demande un temps mort, c'est malheureux, je reviens, c'est dangereux. Écoute ça, écoute un peu ma banlieue. Temps mort, encore nous c'est dangereux. Bah ouais, mais attends, hein. C'est quoi cette technique-là? On n'est pas du tout organisé aujourd'hui, Nico. Pourquoi? Je ne sais pas, on est fatigué. Non, mais pourquoi on n'est pas organisé? Ça marche très bien, là. Ouais, c'est super. Donc on va mettre Temps mort. Donc c'était Booba, Temps mort. Hein. Ouais, donc Temps mort. Colombe, les Hauts-de-Seine. Enfin, plus maintenant, maintenant c'est Los Angeles. Et puis, c'est ça, hein. Quoi? Non? Il habite on pas à Los Angeles. On va plutôt faire un update sport tranquille, temps mort. Ah oui, donc le vrai Grenoble, temps mort, ouais. Donc. Grenoble, ouais. Courbéria. Voilà. Ouais, on se disait qu'il y a quand même beaucoup de bons musiciens à Grenoble. Mais ce sera l'objet d'une autre émission, je oui. crois. Okay. Ouais, sûrement, okay, ouais, donc pardon. Je fais pas de... je vais pas spoiler. Spoile pas, non. Voilà, c'est ça, temps mort. Temps mort, sport tranquille. Bon, c'est... à tout de suite. part tranquille, Temps Mort, sorti sur la cassette du même nom. Morceau éponyme de la cassette, sorti sur Midday Massage Parlor. Kissa Baptiste, Kissa Pes, Kissa Hendrik sur le chat, gros big up, grosse activité sur le chat là. On continue sport tranquille, c'est la fin du morceau, c'est les anti-trains de Grenoble, à toi Lily. Ouais, bon ben on va passer alors, on va écouter Lunatic. Ok, le silence Lunatic. N'est pas un oubli. Et n'as-tu pas... Parce que il y a un sample de John Surnam, un saxophoniste que ma mère écoutait beaucoup lorsque j'étais petite, moi petite bourgeoise. Donc voilà, c'est pour ça. N'as-tu pas une rectification, un rectificatif à faire ? Autobiographique, un rectificatif à faire ? Non, pas autobiographique, mais biographique. Ouais, bon, bah, Booba, c'est pas LA, c'est Miami. Ah oui, mais bien sûr, mais ça, je voulais pas trop te plonger dans l'abîme de tes erreurs. Moi, tous les abîmes me conviennent. Très bien. Notamment ce petit vin de Savoie qui est excellent. Ouais, c'est vrai. L'abîme. Allez, Lunatic, c'est parti, les entretiens de Grenoble, raccrochez-vous. C'est parti, mon kiki, ce soir. Immobile pendant que la terre tourne et que le très haut nous contemple tous. Squatter les dépôts pour les mêmes causes immobiles. Menottes argentées sur peau d'or, que la Bagdad sans pudeur. Inégalité pour mot d'ordre, s'il y a rien dessus. Je perds mon temps à me dire que je finirais bien par leur tirer dessus. Mater les murs de Boulogne et d'ici, voir le matin remplacer l'aube et ainsi de suite. Je perds mon temps à écouter que ça insiste. Lunatique, dans la violence incite. Trop de jeunes s'en battent que le monde leur appartient. Continue de ronfler quand le soleil atteint le zénith. Vrai, chaque minute est précieuse, on en dépense à trop rêver. Combat sans trêve pour accéder à ce qui nous est permis. Des heures endormies sur des feuilles blanches. Mais lunatique, à tout moment se déclenche ton freestyle avalanche. Des instants gâchés à perdre ses illusions. Du sang et des proches, sa raison et puis le contrôle. Je perds mon temps comme un assassin en cavale vivant caché. Comme un innocent en tôle. Comme un dealer à qui personne n'a acheté. Comme un gars dans un hôtel sale qui parle d'amour à un tabac, une vie pour sa gueule. Je perds mon temps comme ceux qui attendent la paix au Moyen-Orient. Salam et shalom, la même, mais prononcé en décalage. Ça devient aussi opposé à Kalash. Israël. Donne respect à ton aîné Ismaïl. Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'aspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en trichant. J'perds mon temps loin des miens, déchiré au sang vrindien. Taxique aussi, je paye avec mes Air Maxé. J'ai le foire quand je mens, pourtant je dis bismillah quand je mange. Veux que je te dise franchement, j'ai un ange à chaque épaule. Mais sud gauche parle trop fort. Écoutez le droit, ce que je suis censé faire. On tend avec des petites snakes, noyer les chèques dans du sky sec. À goûter les variétés de shit. Rien que du mauvais, s'ils savaient ce que j'avais. S'ils pouvaient me dire quelle maladie j'ai. C'est dans mes gènes ou quoi? Tu crois que je cherche, tu rêves ou quoi? Je perds mon temps jusqu'à ce que je perde mon teint. Je perds mon temps sans métier. Tête baissée à regarder mes pieds. Arrive espèce et à regretter. Je nique mon temps dans le vice, je veux pas finir dans le feu. J'ai du mal ce que je t'explique dans le disque. Je perds mon temps à acheter à vendre, emprunter à rendre. Rien à prendre sauf que les ports sont à pente. Le monde fait flipper, mec tu sais plus rien matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Je perds mon temps, attendant que le monde souffre. Et je nique tout car tout le monde souffre. Mon temps à chercher de la maille, il m'en faut. J'en perds mon temps, mon sang et mon flow. B2OB, A-RO, trop haut. Et je perds mon temps depuis le pré. Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'aspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en perds mon temps de quoi que ce soit, pour quoi que ce soit. Et je vois que c'est la maille et les tasses, la caille par la police vexée. Tout dans le même rentre dedans, tire dedans, attends, lui casse dedans, bref, la même, je perds mon temps. Et j'ai autre chose à faire, comme batailler pour tailler tant qu'à faire. Avancer dans le sens inverse de l'enfer. Frère, même si à mon service il manque de maille, pour l'instant je braillais, je perds mon temps. Vois que c'est les frères, les mêmes têtes qui dans la merde s'enfoncent tout le temps. Je me dis faut que je tue le temps, mais c'est le temps qui me tue. J'ai pas l'affaire, j'ai la foi convaincue. Brave de cœur, j'perds mon temps. Pour des gars qu'on peur de vaincre, fais couler l'encre. Vie d'ambition, mettrait du goudron sur la terre de mes pères, mes ancêtres. Je sais que dans ce pays, ils pensent être au-dessus de nous. On met leurs femmes sans dessous, au-dessus. Perds mon temps, devant la lettre A de mon bâtiment. Démonte les joints de Hiya, accélère le châtiment. Et c'est l'imprapta du soir qui revient me tord chez moi. En dessous du porche chez moi. Mais attention, y attention, quand y'a un porche chez moi, j'perds mon temps. Faut que je le rattrape, cette vie me trompe. Quand avec elle tes partenaires, on a l'au-delà pour nous maintenir. Donc peu importe que tu t'emportes, ici on a rien à perdre, préviens ta troupe. Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en trichant. Alors là, c'est spécial dédicace à toutes les bombes en salopette dans leur Simca. Ok. C'est assez précis comme c'est dédicace. Très précis. Et surtout, c'est très codé. Moi, codéine ? J'ai pas le bagage. J'ai pas le bagage nécessaire pour comprendre ces dédicaces. Donc, une fois n'est pas coutume, nous allons mettre un morceau d'un auditeur. Ah non ! Ah pardon. Mais il est assez court, il fait 2 minutes. Mais qui est-ce ? Attention, le micro parle pas trop. Il s'agit de quelqu'un sur le chat HH. Ah, voilà. C'est une personne qui n'a pas les moyens de diffuser ses morceaux. C'est une personne... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, on s'écoute ça, on revient tout de suite. Ok. En plus, c'est à mi-parcours de l'émission. C'est un morceau qui... Ah si, il a un titre ce morceau. C'est très beau. Eurotech 1. Ça c'est du... C'est quoi, c'est du ZB8 as known as Valérie Smith. Très très beau. Ouais. Vraiment, ça fait plaisir. C'est plaisir. Savoir que les auditeurs sont quand même aussi des musiciens. Ouais, des musiciens très, très engagés qui proposent des choses nouvelles, désarmantes, désarçonnantes, en dehors des sentiers battus. Voilà. Cela dit, nous allons apporter un peu de vitalité. Et de. Ouais. Et de. Comment dire. De fraîcheur. De fraîcheur vitale italienne. Vitalienne. Avec Lucio Battisti, Due Mondi. Ouais, ça vient de l'album. Sei d'accordo? Oui. Tutto si. Bene. Allora, c'est, tutto bene. Andiamo. Facciamo un po' di vita. Ça vient de l'album Anima Latina. L'universo che respira e sospinge la tua sfera e la luce che ti sfiora, cosa vuoi? Voglio te, una vita, far l'amore nelle vine. Cade l'acqua ma non mi spegne. Voglio te. Senza serra, dove i frutti sono di tutti, non lo sai. Voglio te, una vita, far l'amore nelle vigne. Cade l'acqua ma non mi spegne. Voglio te. Vela la mia mente, rua verso l'altra gente, vento magica corrente, quanto amore. Cosa di più del vino, del sesso, se tu prendi e dai. Sarei una cosa tua, amore, gelosia, amor di borghesia, da femmina latina, donna americana, non cambia molto, sai. Thank you. Due mondi, Lucio Battisti. E qual è il nome della Battistina che... Picalica Silimeno, senti. Che canta. Che canta qua? Nel track. Hein? Sul track. Qua. Anima la Latina, canterina. Sortie. Ne parle pas trop fort. Ah pardon, mais écoute, c'est pas facile ce micro. Hein. Il faut que tu changes de micro. En 74, l'album est sorti. Et est-ce qu'on mettrait pas un autre morceau de Lucio Battisti? Si tu veux. Ouais. Bon, c'était pas prévu. Mais... Non. Parce que non, Anima Latina est bellissime. Il est long. Hein. Ouais, c'est un peu long. 6 minutes 37. Bon. Comme tu veux. Moi, je pense qu'on peut mettre un petit morceau de la bande originale de Beyond the Land of Minimal Possessions. Ouais, allez, j'en lance un. Tu l'as mis la dernière fois ? Ah bon, je l'ai mis la dernière fois ? Just the cooking and did me pulls back my fucking trigger. Have you yet figured what nigga have come to destroy you? Your old DJ and fool, I enjoyed you, but now it's time to cut the shit. You've been tricked. Now witness my crucifix. Inside. Let go. Can't hypnotize. Dead a nigga, dead. Pillow. Who moves by my window, so I call my nigga Scarecrow. Crow me got the nine inside, I ain't cause me can't go, man. I constantly fight the devil, though inside it seems he's winning. No witness in the dark, I start to rip some hearts up in them bars. Where's your God, oh where's your fucking God? Sooner later, player days will come with many greater. Robbers, killers, cocaine dealers, the realers, the whores, haters. I'm waiting, awaiting them demons in the fucking basement, leaving they niggas that make me so rigid and bow down to my crucifix. Inside, inside, inside, inside, let go. Can't hypnotize, hypnotize. Les entretiens de Grenoble numéro 2, j'accueille aujourd'hui Lily qui va nous parler un petit peu de son travail, de ce sur quoi elle réfléchit en ce moment. Ah bah c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est en... ouais, c'est bien, effectivement, c'est bien. Donc dis-moi Lily, sur quoi travailles-tu en ce moment? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien, on va dire, intellectuel? Qu'est-ce qui nourrit ta pensée en ce moment? Et là, j'ai co-écrit un film avec un groupe anonyme qui s'appelle Gruppo Petrolio, qui est italo-français. Et voilà, c'est très mystérieux. C'est un projet que je ne peux pas dévoiler vraiment pour le moment, mais qui prendra beaucoup ancrage dans la ville de Grenoble. Donc ce qui m'intéresse, c'est faire des films dans ma ville. Et qu'est-ce qui a nourri ce projet? J'aimerais que tu me dises un petit peu plus. C'est un peu complexe. Et... l'environnement intellectuel dans lequel ça se situe, le contexte intellectuel littéraire peut-être, si tu as le désir d'en parler. Littéraire alors, un livre, Petrolio, qui est très complexe à expliquer, mais qui se penche sur les questions de corruption liées à l'exploitation pétrolière pendant les années de plomb en Italie. Donc je pense que les auditrices auront remarqué que j'utilise beaucoup la langue italienne que je ne maîtrise pas du tout. Et puis, pour ce qui concerne Grenoble... Le morceau qu'on a écouté de Lucio Battisti, c'est contemporain des années de plomb, 74. C'est pendant les années 74. De plomb. Pendant. Ça commence en 69 à peu près et ça finit vers 80. Oui, et puis aussi la ville de Grenoble, tout simplement, qui est un mélange de nature imposante, fascinante et de... sociétés, entreprises, industries de technologies de pointe, qui peuvent représenter différents risques pour la santé, l'environnement et évidemment qui reposent sur une exploitation capitaliste des ressources. Oui, des ressources intellectuelles aussi. Intellectuelles aussi, et tu es bien placé pour le savoir. En tant qu'ingénieur employé d'une industrie grenobloise. Mais n'en parlons pas maintenant, il faut écouter de la musique. Oui, c'est la musique. Je laisse ce morceau qu'on a déjà passé. Il est super! On en parlera après. Allez. We'll be right back. Ça va bien. Ça va bien, 5 minutes. Alors, les entretiens de Grenoble, on continue. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Coupe Sanica, crucifix. On l'a déjà mis. Ah bon ? Eh oui. Ah merde. Bon, bah alors... L'autre ? Front Buster. Allez, c'est parti. Qui est bien, tout le monde va pouvoir se reposer intensément. Voilà. Peut-être pour toujours. Ah bon ? Pourquoi ? Ah, tu vas voir. Les entretiens de Grenoble, c'est bientôt fini. De quoi d'aller se promener dans la ville dans la ville. Avec des chaussures confortables. Pas trop confortables quand même. Des vêtements amples. Une petite casquette. Et un petit, une petite boutanche. Ah ouais, je croyais que tu parlais plutôt du randonneur grenoblois équipé. Non, non, pas du tout. Ah ouais, ok. On est raccord. C'est pas vraiment un morceau qui donne envie de faire de la rando aussi. Ah non, pas vraiment. Faut du plat. Faut du plat, ouais, bah à Grenoble c'est plat, ou à Memphis ouais. C'est plat aussi. Une cuvette. Hein. Alors Nico, est-ce que tu auras un petit morceau de la bande originale du film Beyond the Land of Minimal Possessions, qui est très court, par exemple, pensez à l'intro de l'album qui est super belle. Non mais j'ai pas prévu. Arriving in Marfa. Voilà. Bah ouais. Bon, bah, allez, d'accord. Ça marche. Merci à tous, gros bisous et puis voilà. Au revoir. Au revoir. Carlos, may you rest in peace. Here today we are given a wake. Reverend Tom and a lot of you other people out there. So-called industry executives, major promotional people that have died and lost their lives. I will throw a little sand as the Reverend, and let's pray everybody. Gather around. Let's close our eyes for 1 second with a moment of silence. I'm tired of you watered down figures, y'all major record company watered down. Take what I create, massive audience, fight my innovative stuff and duplicate Cassie on Trinity and treatment. Cats are biting, y'all overhyping. Big companies spend 8 million videos, recoup. You straight team, retail hype and MTV and BET rotation radio. You know you barely sold 100,000. Don't open your mouth, turn in your masters. Your marketing plans, commercials and billboards, big ads, the cover of 5. Acting like you get paid, you haven't seen a check in years. Don't front. You face disaster, deduction from your royalties. Zero ratings, your lease Bentleys with no insurance. Your contract is up, it's time to checkmate. You got the lawyer looking at you on the next deal. You're unsuccessful, Ampex reels. I know how you fake niggas feel. We will pray in church. We will drop sand. We will burn you ashes to ashes, dust to dust. Yeah, that's right. We're gonna bury you 6 feet deep. 6 feet deep. Terminating rapper contracts, careers are done. No funds, obsolete, your bank statement read none. 000, you're dead, we freestyles get done. Smoking Sherman cemeteries with Machiavelli's son. Deep conversations, got me watching for hate. This industry is full of jealous fake, envious snakes. I squash pretty flowers, kick cats, take candy from children. Run inside a bank broke and come out with a million. Fuck hanging out with niggas running when problems come up. Born and killed in California when niggas rob come up. And stay with real hustlers, living phonies die to come up. Look at these fake thug niggas trying to imitate pop. You ain't a gangster cause you bouncing the trade with hood flags on. Disrespect the city I'm from and get blasted. Don't I drag niggas' names through the mud in the gut. Undertakers love to cut a nigga front of his mother with smother motherfuckers. No matter why they're a brother, famous rappers found dead. Nobody gotta discover anything. We did it, don't gotta wonder. You don't gotta discover no evidence. We did it, it's in your face. He's gonna bury you. You know what I'm saying, Undertakers. He's gonna dig your grave. I heard it's like a jungle, so I decided to send you under. 2 plus 3 and 1 more, that be me, make your head split. Now that equals 6, got your number picked. Got a few more stops to make before your final resting place. Stretched out on the board, body cold in the morgue. Corner pulling off the duct tape, mortician trying to fix your expression on your face. But wait, be on director. Bury your packets in this case. Embalming room filled with tools, fluid as a mother lay down foods. Make a call to the real time and get there walking past. Holding his nose, put some chronic in the air, quoting scriptures. Undertakers. And the last prayer. Hello. Undertakers. Okay. Ouais, en fait c'est fini sur le flux principal antivirus, mais bon, il y a toujours le flux stochastique qui est là. En plus, c'est une émission qu'on enregistre, donc bon, voilà, rien n'est perdu. On continue, on fait comme si tout se passait. Pas trop par contre, mais on va arranger ça. On en a plus trop. C'est vrai. Alors, bah du coup, ouais, je sais que tu détestes cette expression. Non, non, mais... Je suis un peu gênée de l'avoir utilisé. Est-ce que tu veux mettre un morceau de Temps Mort encore, de la tape ? J'avais pas prévu, j'avais juste pris le morceau Temps Mort, de la tape Temps Mort, okay. En fait. Okay. Voilà, j'avais prévu de mettre un autre petit morceau de Sport Tranquille. Qui prévoit que ce qui est prévu. Voilà, j'avais prévu de se mettre ce morceau-là. Mal. Ah, mais c'est super, je l'adore. J'avais prévu des morceaux. Très bien. C'est Sport Tranquille, VC Vérac, Les Entretiens de Grenoble, Extended Version. All right. Ooh. Là, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, il n'y a plus de son, il n'y a rien. Mais t'as pas ton casque. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on rigole là sur On les rigole bien, incroyables. Ouais. Je suis pas une professionnelle, hein, ça se voit. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que tout à l'heure, t'as pas dit que Balzac était un peu ce que tu lisais en ce moment et que ça avait aussi une influence, les 13, Rivette et tout ça, quoi. Oui, mais ça tu fait quand même pas un ensemble. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas trop eu le temps de. Si, en fait, je voulais pas trop développer, mais en effet, oui, j'ai lu Balzac, pas mal. L'histoire des t'as lu Balzac en ayant vu Out One, voilà, de Jacques Rivette, exactement. Au début du confinement. Qui a comme fibre narrative, on va dire, comme support narratif, ouais. Est basé sur l'histoire des 13. Hein. Voilà, qui sont trois nouvelles de Balzac, qui mettent en scène des conspirateurs, enfin ouais, des personnes qui ont... Qui œuvrent dans le secret voilà. pour leur... Pour leur intérêt, pour leur propre bénéfice. Voilà. Ou leur propre intérêt, qui n'est pas forcément un bénéfice, mais en tout cas leur intérêt d'agir en dehors du système pour leur propre intérêt et non pas celui d'une cause, qui est assez intéressant. Et que donc Jacques Rivette explique qu'il s'agit juste d'un liant, finalement c'est pour donner envie aux spectateurs de continuer à voir le film en fait. Exactement. En fait c'est une construction artificielle, c'est une narration qui a été ajoutée... après coup, a posteriori, sur une idée de départ qui n'est pas du tout narrative. Voilà. Ok, waouh, t'as vite jumpé dans Rivette, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ce film, Out One. Out One. Explique un peu. Eh bien, c'est un film très très long, puisqu'il dure combien 16 heures 14 heures 14 heures, c'est ça, ouais. Voilà, qui décrit en gros. Moi, je suis très mauvais pour la description. Mais alors, c'est un film de 14 heures divisé en épisodes d'environ 1h30. Ils sont un petit peu irréguliers, voilà. Mais pas trop. Voilà, alors qui filme deux troupes de théâtre, oui, qui mettent en scène l'un, le Prométhée de d'Eschyle, je crois, et l'autre, une autre pièce d'Eschyle dont je ne me rappelle plus. Ouais. Et mais qui ne filme pas uniquement des troupes de théâtre. Non, il ne filme pas uniquement des troupes de théâtre. Il filme différents protagonistes qui appartiennent tous à une même organisation secrète. Alors, pas tous, justement. Dont on ne connaît pas les buts, quasiment tous. Puisqu'il y a quand même un personnage très important joué par Jean-Pierre Léaud, qui lui est celui qui ne fait pas partie de la... qui représente en fait le spectateur, le témoin, c'est-à-dire le nom, l'exclu, quoi. Et voilà, aussi le personnage de Juliette Berthaud. Oui, c'est vrai. Qui va à un moment donné croiser les 13 et être également très intrigué. C'est vrai. Et donc ces deux personnes, étranges et un peu pénétrantes et assez paumées, mais cool, vont devenir les témoins. Donc en fait, ce sont nous. Voilà. Bon, alors, bon allez, on de envoie Rivette. De la zouze là parce que ça commence on va à ramollir pas mal. Quand c'est tabou. Hop, c'est parti, on y va. Allez, les entretiens de Volob, Extended version. That Memphis dick, so stupid, bitch. Why would you wanna test us? We strapped with artillery, making you jump some ducks, some niggas fuck. Up that so fucked up, cause my brother, I didn't wanna hurt you. But nigga, shut up, cause you fucked up with the gangsta boo. Call party black to see how can this fucking thing be made. Then he said, dick you nigga, man, I got this shit all laid. This shit is on, I put the tone up in my pants and jet to the nigga with the shit, so now this shit all set. Clicked up so slick with triple six, don't think I love you, man. Man, nigga, please, I want your cheese, now can't you understand? This perfect shit against a bitch that set you niggas up. So think before you splurge your shit, cause if you don't, you fuck. It's crunchy black, the demon shot, another miss we made. Another stain, boo set it up, another nigga in his grave. I'm constantly scoping out you niggas with that Bible shit. You think I'm straight, bitch, I ain't straight, I'm out to get your shit. My Smith and Wesson teaches lesson for you hearty hoes. Just drop it off, you won't feel pain unless you don't do what's told. But if you got your fucking pistol and you think you can beat the 3-6 mafia niggas, try your luck and we will see. But it's more likely you lose your life and I'm in a win. I'm smoking out, I'm living lies off all your dividends. The devil told me I can get away with all your shit. My angel said, don't make him turn you into a lonely shit. Since 666 is in my blood, you know the devil's right. I'll scoop me up in a Chevy thing, we dodging our blue light. We so straight, we smoking out our whole motherfucking crew. We show no love for lemon, suck a trick I thought you knew. I got you new, that I'm from Memphis where the shit is so thick. Taboo, I Thought You Knew, Gangsta Taboo and Crunchy Black. Ouais, donc moi j'ai une version très différente, mais celle-là est pas mal. Sur le reverb spatial comme ça, où tu sens un espace autour très, très vaste, alors que celle que j'ai, c'est plus oppressant. Bah, là, plus claustro. C'est quand même pas mal oppressant. Hein. Je veux ouais, pas, ouais, je bah, justement. Dire, je vais pas dire c'est quand même assez oppressant, là, cette ouais, version. Ouais, ouais. Alors, ouais, mais il y a plus, tu sens plus à cause de la reverb, je pense. Tu sens plus de. Il n'y a pas de reverb, mais bon. Bon, c'est... bah, je sais pas comment ça s'appelle, moi. Dans okay. La voix. Non, mais je pense que vraiment, il va falloir que j'abandonne la Quoi? Radio. Pourquoi? Ah oui. Et donc, tu as choisi un autre morceau. C'est un album d'Iggy Pop que je connais pas, qui s'appelle Préliminaire. Qui est. Voilà, bah, on va le mettre, hein, écoute. Ouais. Voilà, spéciale dédicace à Ida Soulard. Ok, merci. I wanna go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went. But that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see. But that's all. They've worked their way inside, and I can't hide or even walk away. Some kind of superstar. When an asshole is what you are. But that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. Waiting to make my escape. I wanna go to the beach. Escale à Marseille, puis Sanaa au Yémen où ils ont changé d'avion. L'appareil a ensuite fait escale à Djibouti et c'est à quelques kilomètres seulement de l'arrivée qu'il a disparu des écrans radars. Qu'il a disparu des écrans radars. En fleurs, les premières familles des passagers du vol à destination des Comores arrivent à l'aéroport de Roissy à la recherche de la moindre information. 153 personnes, dont 66 Français, se trouvaient à bord de l'avion. Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Yumina Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Yumina Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Les passagers sont partis hier de Roissy-Charles de Gaulle à bord d'un Airbus A330. Première escale à Marseille, l'avion s'est ensuite envolé pour Sanaa au Yémen. Dans cet aéroport, les passagers ont embarqué dans un autre avion, un Airbus A310, qui devait rejoindre Moroni aux Comores. C'est ce deuxième appareil qui s'est abîmé en mer. Selon les premières informations, le crash a eu lieu alors que la procédure d'atterrissage était en cours. L'avion aurait même fait une première approche de la piste avant de remettre les gaz. Pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Yumina Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Yumina Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. Yumina Airways ne fait pas partie de la liste noire des compagnies aériennes, mais elle est très surveillée par les autorités françaises. La communauté comorienne de Marseille est l'une des plus importantes de France, avec 80 000 personnes et beaucoup autres pays pendant l'été. Dans une semaine, c'est la fête nationale dans l'archipel, mais depuis ce matin, tout le monde est en deuil.